Ah. Et ils sont partis en quittant la terre, sachant qu'il n'y avait plus d'espoir. Maintenant, les rêves ne sont plus que les souvenirs. Et la vie de la lumière, tout est détruit, la faute à qui? Ils sont partis, quittant la terre, sachant qu'il n'y avait plus d'espoir. Maintenant les rêves sont...